marque un peu les filles. Allez, marquez ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme, tu es aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de John Hallyday, tous les mercredis soirs, oui, de 22h jusqu'à minuit. Je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième émission de cette saison 2018-2019. Et aujourd'hui, on va parler de l'album 100% qui va fêter le jeudi 13 septembre ses 19 ans de sortie. Et cet album a été composé par David Hallyday et avec d'autres compositeurs. On en parlera au cours de cette émission. Nous fêtons également les anniversaires des albums de la semaine précédente. Il y avait l'album La Peur et de 1982 et aussi l'album La Terre Promise de 1976. On écoutera deux extraits de chaque album au cours de cette soirée. Et puis aussi, il y aura une nouveauté dans cette saison-là. Ça sera l'Odyssée Johnny Hallyday. Antoine Duncan qui nous racontera une anecdote sur Johnny Hallyday et avec une chanson. Ce sera le rendez-vous tous les mercredis. Nouveauté. Et si on parlait tout de suite, on va commencer tout de suite l'émission en vous présentant un titre de l'album de la semaine qui est 100% sorti en 1999. Le titre que je vous fais écouter, c'est le premier single sorti de cet album-là. Deux mois avant sa sortie, c'était le titre « Vivre pour le meilleur ». Bonne soirée à toutes et à tous sur RIG et avec Johnny. Qui cherche la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe, et femmes qui pleurent leurs enfants mais restent dignes. Toi tu me rends plus fort chaque jour sans Dieu ni loi, et quand nos corps se font je Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Le tout a claqué, je suis tombé. Ouh, il m'a eu au coin de la rue. Il m'a guetté pour m'assassiner. Victime, victime, je suis victime. Oui, j'ai vu son regard beaucoup trop tard là. Ouh, oh, ça fait mal. Au droit au cœur en rafale. Il a tiré et je suis tombé. Victime, victime. Oui, je suis victime. Les anniversaires, cet album La Fête, c'est 32, c'est 36 ans. 36 ans qui est sorti La Peur, c'était un 7 septembre 1982, si je me souviens bien. Et là, tout de suite, on retrouve Johnny en live. Allez, suivant. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. En moment de la musique. Johnny Hallyday au Théâtre de Paris. C'était le 15, d'année du 15 au 16 juin 2013. Nous voici qui nous aura interprété le titre Voyage au Pays des Vivants. Ce que j'ai fait. Non. Non. Non. Ah. ce que j'ai fait. Ah non, ah non, non. Vous écoutez Érigé et l'émission Johnny 2 à Z tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. On va fêter un anniversaire prochainement aussi, l'anniversaire de l'album La Terre Promise, sorti le 17 septembre 1975, soit 43 ans d'ici 5 jours. Oui, oui, oui, oui. Et pour illustrer un petit peu cet album-là, on va écouter le titre Quand je reviendrai, Got You on My Mind, qui fut créé par Big John Greer en 1952 et repris par Big Joe Turner en 1959. Cookies and These Hubcakes l'enregistrèrent avec un certain succès en 1963. Ils tournèrent alors au même programme que Jerry Lewis, ce qui lui donna l'idée de l'inclure sur l'album The Return of Rock en 1965. Et on appréciera dans ce titre-là, la version de Johnny Hallyday, que Johnny redouble sa voix avec beaucoup d'énergie et de maîtrise et de goût également. Au revoir, baba, loubaba, la ben boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 70. On entend la musique. Trop tard. Il me La nouvelle rubrique de l'émission Johnny de la Z, c'est tout de suite et maintenant. En l'an 2010, pour les 50 ans de carrière de Johnny Hallyday, France Inter a eu la bonne idée de diffuser l'Odyssée de Johnny Hallyday. C'était écrit par Gilles Verlan ainsi que de Jean-William Toury, qui est un écrivain aussi, qui a beaucoup écrit sur Johnny Hallyday également, mais ça a été narré aussi par Antoine Decaune. Je vous propose d'écouter, on en a pour 4 ans à peu près, hein, 130 épisodes. On va écouter un épisode ce soir et ça concerne justement David Hallyday, le compositeur de l'album 100%. Voici la nouvelle rubrique, l'Odyssée Johnny Hallyday. L'Odyssée Johnny Hallyday. Il s'appelle David Smet, il est né à Paris, vous le connaissez mieux sous le nom de David Hallyday. Et c'est de lui qu'il va être question aujourd'hui dans l'Odyssée que nous consacrons à son papa. Comme chacun sait, David, né en août 1966, a été élevé par sa maman, Sylvie Vartan. Ses parents se sont séparés quand il était très jeune. Adolescent, David vit à Los Angeles et ne voit pas son papa aussi souvent qu'il aurait souhaité, mais en grandissant, il se rend compte à quel point ils se ressemblent. À 13 ans, il monte sur scène derrière son papa qui fête au pavillon de Paris ses 20 ans de carrière. Johnny n'est pas au courant. Tout à coup, il se retourne et alors qu'il attaque le bon vieux temps du rock'n'roll, il aperçoit son fiston à la batterie. Élevé par le clan Vartan aux États-Unis, David monte un groupe, tourne dans un film, écrit des chansons. Devenu David Hallyday, artiste à part entière, il fait sensation en 1988 dans les hit parades avec la chanson « He's My Girl ». Entre son mariage avec Estelle, ses performances dans le domaine du sport automobile et ses disques, David signe également des chansons pour son papa, dès la fin des années 80. Exemple, Mirado. La liberté, faut la payer, et on enterre nos corps sous le Mirado. Une dizaine d'années plus tard, David obtient son premier vrai succès avec une chanson dédiée non pas à son papa, mais à son grand-papa. Tu ne m'as pas laissé le temps. Tu ne m'as pas laissé le temps. 1999 est décidément une année faste pour David Hallyday puisqu'il compose toutes les musiques d'un album de son père dont le titre général est inspiré par l'une des chansons, 100%. Le jeu de mots est éloquent. Parce que nous sommes du même sang, on se ressemble, 100%. Le CD va se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires. Mieux encore, 100% reçoit une victoire catégorie album de l'année et obtient un disque de diamant. Un triomphe total, sur des paroles auxquelles chacun peut s'identifier et qui évoquent, avec pudeur, les relations entre un père et son enfant. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour. On s'apprivoise au jour le jour. Pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. présent. Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans pourtant. Au-delà de nos différences, à force c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. On se revoit à l'Odyssée de Junaïdé la semaine prochaine. Ce sera votre rendez-vous hebdomadaire à présent. Et tout à l'heure, on a entendu Mirador. Mais sachez que David Hallyday, qui est le compositeur du titre Mirador, donc comme il a dit, Antoine Decaune, David Hallyday a repris ce titre-là sur son album Rock and Heart, sorti en 1990. Et ça donnait ça. If I trust in my soul, I can show you my heart. Give all I am to you, to have and to hold. Trust in your soul and show me your heart. Give all you are to me, to have and to hold. Upon a million stars, now I know for certain what was ours. I've been holding back for long enough. I'm braver than I am afraid of love, 'cause I trust in my soul. I can show you retrouvera un extrait encore de David Hallyday un peu plus tard en cours de cette soirée. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 80. Oui, entre-temps, ce que je voulais dire, c'est qu'on fêtait également l'anniversaire de l'album Entre violence et violon, qui est sorti le 9 septembre 1983. 35 ans, cet album-là. Et premier titre qui est sorti, le premier single de cet album-là, c'était le titre Pour ceux qui s'aiment. Voici tout de suite John Hallyday. Un regard est toujours bleu. Pour ceux qui s'aiment, une chanson, toujours pour deux. Ceux qui s'aiment ont le temps, ils oublient le présent, rien ne peut séparer ceux qui s'aiment. Pour ceux qui s'aiment, un retard c'est une absence. Pour ceux qui s'aiment, la colère devient silence. Ceux qui s'aiment ont les nuits, ils oublient leur défaite. C'est l'amour qui guérit ceux qui s'aiment. Oui, chanter l'amour, c'est comme chanter pour toi. Aimer l'amour, c'est être aimé de toi. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 60. Assis sur le banc de bois, j'attends l'arrivée du train. Je n'ai qu'un billet sur moi et ma guitare à la main. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. Envoie-moi la musique. Entre Johnny Hallyday à la Tour Eiffel, c'était en l'an 2000. Avec un titre qui figure également sur l'album 100%, l'album de la semaine sorti en 1999, c'est le titre Quelques cris. Tout de suite, la Tour Eiffel, l'an 2000. Le jour où ma mère m'a mis 100% Johnny live à la Tour Eiffel. C'était en l'an 2000 avec le titre Quelques cris. Et en 1996, François Sagan, icône des années 60 au même titre que Brigitte Bardot, le général de Gaulle ou même Johnny, ouais, elle confie à ce dernier un texte, celui de Quelques cris. Johnny cherche à le faire mettre en musique, mais ses compositeurs habituels s'y cassent les dents. C'est finalement David Hallyday qui passe le mieux l'épreuve et pour la plus grande joie de son père. Quelques cris est la première chanson retenue pour l'album 100%, celle qui va décider de sa teneur générale. Le projet est confié à Caroline Molko, directrice artistique chez Mercury, et Pierre Giaconelli, déjà guitariste sur l'album Ce que je sais. Une fois les autres compositions imaginées par David Hallyday, il convient de chercher des auteurs qui vont apporter leur vision de Johnny, le faire changer un tant soit peu d'univers. Certains comme Michel Mallory ou Philippe Labreau ont l'habitude de cet exercice. Zazie et Lionel Florence ont déjà écrit pour le disque précédent, mais le romancier Vincent Ravalet, Christophe Miossec, qui a repris Johnny sur ses propres disques, Pierre Grillet et Éric Chemouny sont vierges en la matière. François Sagan n'en est pas à sa première chanson. Elle a auparavant signé des chansons pour Juliette Gréco, Mouloudji, Régine, Frédéric Botton. Ici, elle demande à Johnny de survoler sa vie. Trois étapes importantes étant représentées par un cri, la naissance, le premier amour, le succès, puis vient le silence imposé par la solitude. On va arriver à l'autre titre. Celui-ci, il a été écrit par Michel Mallory, le grand Michel Mallory, toujours sur l'album 100% qui fête dans quelques minutes. Il va fêter ses 19 ans. C'est le titre Un jour viendra, très belle chanson de Johnny Hallyday, bien entendu. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dire quand même. Attends, laisse faire les jours. Hallyday by Hallyday. On va mal la musique. Extrait de l'album, le dernier album en date du Johnny Hallyday sorti en 2015, De l'amour, voici le titre, Tu es là. Quand je n'ai plus de pays, quand le doute m'envahit, quand il neige sur mes rêves, tu es là. Quand je perds l'est et le nord, quand je pars dans le décor, je me raccroche à tes lèvres, tu es là. Quand il n'y a plus rien dans la nuit claire qui me retient, au creux de tes bras, je sais pourquoi je reste là. Quand reviennent tour à tour les pantins et les vautours, quand je n'ai plus de repères, tu es là. Quand la fatigue me gagne, quand la peine m'accompagne, que les choses m'indiffèrent, tu es là. Quand il n'y a plus rien dans la nuit claire qui me retient, au creux de tes bras, je sais pourquoi je reste là. Il n'y a plus rien dans la nuit claire qui me retient, au creux de tes bras, je sais pourquoi je reste là. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. En moment la musique. À présent, on est sur une radio, on est sur RTL. Non, là on est sur RIG. Mais là, l'extrait que je vous pose, c'était sur RTL en 1984, lors des Sunday Rock, une émission que Johnny présentait l'été sur RTL. Et voici un duo acoustique. Johnny Hallyday et Tony Joe White, Poke Saladani, un titre que Tony Joe White avait composé pour le grand Elvis Presley. Some of y'all in the field ain't never been down south. I'm gonna tell you about it one more time. So you understand what we're talking about. And there we got a plan. Looks something like a turnip green. Everybody calls it Poke Salad. Supper. And if she had any left over, she'd hang it on the clothesline. But she did all right. Get a look to me, Poke Salad Alley. salad, carry it home in a tote sack, salad. The gator got your granny's home. Sunday Rock sur RTL 1984. On aura d'autres extraits au cours de cette saison, bien entendu. Le 10 septembre, toujours sur RTL. Je fais des pubs pour RTL, ouais. Et Laurent Gérard est passé à la radio, comme tous les matins, pour sa chronique. Et il nous a fait un petit sketch sur le nouvel album de Johnny Hallyday. Oui, oui, oui. Qui va sortir, donc, lui, le 19 octobre, pour notre plus grand plaisir. Il nous tarde de le découvrir, cet album-là. Et donc, il en a fait un sketch suite au titre de ce nouvel album. On écoute ça tout de suite. Alors que l'album posthume de Johnny, Mon pays c'est l'amour, va bientôt sortir, le fantôme du rocker vient hanter les nuits de son épouse, Laetitia. La tcha tcha. La tcha tcha. C'est toi, m'amour? Oui, m'amour. C'est moi, m'amour. Qu'est-ce que c'est que ce titre à la con? Mais, m'amour, c'est joli, mon pays, c'est l'amour. Tu m'as pris pour Frédéric François? Mais, mon amour, m'amour, le pays de l'amour, c'est le pays où il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de méchants journalistes et il n'y a pas d'héritiers. C'est pas très rock'n'roll tout ça. Et puis c'est quoi ces veillées autour de ma tombe avec des bougies partout? Et pourquoi pas un barbecue en chantant Allumer le feu? Mais, m'amour, c'est pour ta mémoire et que les gens achètent mon disque. Enfin, pardon, ton disque, Mon pays c'est l'amour. Arrête avec ce titre épouvantable. Puisque je suis en Belgique, pourquoi pas Mon pays c'est Namur aussi, alors qu'on y est. Oh. Mais vous allez me foutre la paix à la fin. Oh! Et qu'un truc à vous dire. Au revoir, baba, louba, bala, ben, boum. Bon, d'accord, fais rentrer. Bon. Johnny et les années 2000. Envoie-moi la musique. Tu n'es plus là, il faut faire le deuil. jamais. Johnny et les années 60. Je ne peux oublier ce terre qui m'enchaîne. Il n'a jamais de fin. Il vient marteler toujours ma peine. Je sais, je n'y peux rien. Oh, quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. S'il vient parler d'amour, quand votre cœur est lourd, il ne sert à rien de pleurer. Ah, quand un air vous possède, il faut chanter avec lui. Quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. Quand un air vous poursuit, et le jour et la nuit, plus fort que lui, il faut chanter. Quand un air vous possède, quand un air vous possède. Quand elle vous possède, extrait de l'album Les Bras en Croix, sorti 1963. On revient à notre album de la semaine qui fête dans quelques minutes, dans moins d'une heure. C'est 19 ans. C'est l'album 100% composé par David Hallyday et avec plusieurs auteurs. Oui, oui, oui. Et on va écouter, je n'ai plus le nom de l'auteur hein, de ce titre-là, mais on va écouter le titre tout de suite, Notre Histoire sur RIG. Dans l'émission Johnny de A à Z, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit, votre émission. T'as ni les yeux ni le regard à maquiller en bleu ce qui dans le fond est noir. Tu sais, mes yeux sont ton miroir. Regarde-moi un peu, veux-tu encore y croire? Tremble un peu comme dans un mauvais polar. D'un regard tu me dis adieu. Fin de l'histoire. histoire. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. Envoie-moi la musique. On se retrouve à l'Olympia en l'an 2000 avec le cinquième single tiré de l'album 100%. Voici Pardon. Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. RTL présente 100% l'album événement de Johnny Hallyday. L'album de Johnny Hallyday, un événement universal. RTL présente 100% le nouvel album de Johnny Hallyday. Nouveaux titres dont Vivre pour le meilleur et Un jour viendra. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. 100% un événement universal. Un jour viendra. RTL présente 100% l'album événement de Johnny Hallyday. Et j'aimerai. Le nouvel album de Johnny Hallyday. Un événement universal. 100% Johnny Hallyday. L'album de tous les succès. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes qui ignorent le prix. Vivre pour le meilleur. Un jour viendra. 100% l'album événement de Johnny Hallyday. Je t'aime. Universal Music. Et une dernière, allez hop. Avec plus de 2 millions de disques vendus, voici 100% le plus grand album de Johnny Hallyday. Les galets, tu m'as aimé. Un jour viendra. Retrouvez tous les tubes de Johnny sur l'album Événement 100%. 100% l'album de Johnny. Avec RTL. Bon, maintenant, on va essayer de continuer un peu de musique. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. On retrouve Johnny Hallyday en 1995, extrait de l'album Lorada. Voici le titre Ami. Voir passer les nuages, grimper au sommet, remonter les rivières, tenir l'été, t'inventer des mirages, tout recommencer. Rester en arrière ou passer le premier. Oui, devenir grand sans jamais vieillir. Boucler sa valise, oui, 3-4 et partir. Dormir sur les étoiles et rire gratuit. Partager ses angoisses et ses désirs aussi. Roule, roule toutes nos vies. L'amour fidèle. Et tourne, tourne tout ce qu'on. S'il ne restait qu'un mot sur les lèvres. Ami. Oui, par aux mêmes lèvres des sirènes d'un jour. Et tomber par terre à chacun son tour. Passer les frontières et embrasser la rue. Au hasard d'une bière sur un Paris perdu. Côté de tes rires, du côté où tu es. Et si la grande noire vient pour t'emmener, au-delà des ombres, tu m'entendras crier. Mais roulons, roulons toutes nos vies, l'amour est fidèle. Et tourne, tourne tout ce qu'on dit. Oui, s'il ne restait qu'un mot sur les lèvres. Amis. Thank you. Un autre album qui a fêté son anniversaire récemment, dimanche dernier, le 9 septembre 1983. Il a 35 ans, cet album-là. C'est l'album Entre violence et violon. Et pour illustrer cet album, deuxième extrait, voici le blues. Le blues quand un homme devient fou. Une composition de John Hayden, Mort Schumann et Claude Nemel. Sur ma peau, ton prénom comme au couteau. Dans mon musical, toutes les nuits, la star c'est toi. Absence et ton silence qui n'en finit pas. Je suis déchiré comme un vieillard. J'ai respiré l'herbe bleue du brouillard. Je prie comme un prêtre fou. Oh, oh, ma mémoire, oui, ma mémoire, mon ennemi. La nuit est blanche et le blues est noir. Yeah. Montana. On revient à l'album de la semaine qui est 100% sorti le 13 septembre 1999 et dès le jour de sa sortie, l'album se vend à 250 000 exemplaires. Au mois de décembre, soit trois mois seulement après, 100% atteint le million d'exemplaires, ce qui vaut à Johnny son premier disque de diamant et se classe deuxième au classement général des ventes d'albums de l'année 1999. À la fin de l'année 2000, il dépasse la barre des 2 millions d'exemplaires vendus et se retrouve encore numéro 3 des ventes en mars 2001. Au total, l'opus reste classé durant 97 semaines, soit 11 en tête des ventes et 35 au top 10. Et se vend à donc à 2 millions d'exemplaires, devenant ainsi la plus grosse vente du chanteur à ce jour. Double disque de diamant, 100% est un succès populaire, mais aussi critique jusqu'aux médias les plus élitistes, qui salueront la faculté de Hallyday d'arriver à encore surprendre après 40 ans de carrière. 100% est élu aux victoires de la musique 2000, album de l'année, succédant à Fantaisie militaire de Alain Bashung. Et un autre extrait de cet album-là. Voici Remise de peine. Ils m'ont laissé sortir hier soir. Tu sais, j'avais hâte de te revoir. Qu'est-ce que t'es belle, t'es toujours la même. Tu sais, jamais je veux plus que tu me traînes. Benjamin. Johnny et les années 60. Moi sans toi, toi sans moi, ça fait quoi, ni toi ni moi. Un plus un, ça fait deux. Quand on sifflait, extrait de l'album Rêve et Amour, Johnny Hallyday en 1968. David Hallyday est le compositeur entier de l'album 100% de 99, la plus grosse vente de son père. Et tout à l'heure, je vous ai diffusé un extrait de To Have and To Hold. Mais si on revenait au premier album du Fiston, qui date de 1988, et avec son premier grand succès, c'était le titre High. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. Envoie-moi la musique. Retrouvons notre super-héros à Bercy en 1992 et le titre de Chris Rea, True to You. Hors de grands trous noirs où l'on s'abandonne seul sans personne, autant sursaut on repart à l'assaut. Because I'll be true to you. Où le désespoir devient une force, quand jaillit sous l'écorce l'arbre qu'on croit mort, là c'est encore because I'll be true to you. C'est ton souvenir au plus fort de l'absence qui me fait tenir, et le silence ressemble même me parler, oui parfois à de toi. De ne pas sombrer, même quand la folie peut te prendre à toi, je résiste malgré moi. Because I'll be true to you. I'll be true to you. Revenons à l'album de la semaine qui est 100%, qui fête son anniversaire d'ici un quart d'heure. Lep, là, il a fêté ses 19 ans. Pof. Et l'album devait initialement se nommer Tel Père, Tel Fils. Le titre 100% qui finalement s'impose a été trouvé par Sylvie Vartan. Venant confirmer l'accueil du public fait à l'album, 6 titres faits rares furent diffusés en single. Vivre pour le meilleur sort le 26 mai 1999 et se vend à plus de 500 000 exemplaires. Un jour viendra lui succède à partir du 24 août. La chanson 100% sort en single le 16 novembre 1999. Un quatrième extrait paraît le 21 février 2000, partie de cartes. Une cinquième diffusion en single sort le 6 juin avec le titre Pardon. Et un sixième et ultime extrait sorti le 2 octobre, Quelques cris, en version studio et live à la Tour Eiffel. L'album obtient en 2000 un M6 Award d'honneur et un M6 Award du meilleur artiste masculin de l'année et aux Victoires de la musique, celle du meilleur album variété pop-rock de l'année. Durant la même période, David Hallyday connaît un succès considérable avec son disque Un paradis, un enfer et son morceau phare Tu m'as pas laissé le temps, qui sera récompensé d'un disque de diamant. Et pour illustrer cet album 100%, voici l'avant-dernier extrait que je vous propose d'écouter, ce sera Les larmes de gloire. J'aurais traversé des déserts, franchi le mur d'un océan. Dis-moi ce que j'aurais pu faire et aller jusqu'au bout de la terre. Et écrire pour toi l'univers. Dis-moi ce que j'aurais pu faire. Semblant d'oublier les combats que j'ai dû livrer. Quand t'as la tête d'une armée, vers tes maléfices je marchais. Ces larmes de gloire ont la couleur de toutes les peurs. Ces larmes de Jour sans gloire. Et c'est au-delà des terreurs, nous aurions vaincu des sommets. De lumière et nos passés jours de colère. Ah, j'ai déchiré par la guerre. Dis-moi ce que j'aurais pu faire. Ces larmes de gloire ont la couleur de toutes les peurs. Ces larmes de ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. À Ah, voici un titre que j'adore diffuser. Voici Une fille sans importance, extrait de l'album La Terre promise. C'est une fille sans importance qui fait l'amour comme elle respire. Ouais, l'état qui veut bien la prendre et quelquefois elle est à moi. Son cœur. Jamais. Johnny et les films. Voici une version alternative de Lord McKenna, première partie. Voyez le buzzard, silencieux buzzard, volant

Mon voleur, extrait de l'album Hollywood sorti en 1979, et là c'était la version version deluxe sortie en 2014. Et je sais qu'il y aura d'autres versions de luxe, vous savez, le livre disque avec 2-3 CD à l'intérieur, avec plein de pages et tout ça. Ouais, il devrait y avoir à peu près 3 ou 4 numéros qui devraient sortir pour le courant de l'année 2019. Et pour vous prouver que, et donc cette émission Johnny de la Z est en direct tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, et il est minuit passé de 4 minutes. Je peux dire d'ores et déjà que l'album 100% fête maintenant. Maintenant, c'est 19 ans. Et pour illustrer cet album-là, voici le dernier titre que je propose en extrait. Ex, une chanson qui a été écrite par Christophe Miossec. Crois-moi. Voici à présent un autre extrait d'album qui a fêté son anniversaire le 7 septembre dernier. C'est l'album La Peur. Il est sorti il y a 36 ans. Et voici un titre qui vous plaît également. Le titre qui clôture cet album-là, Ma Voix de Révoltée. John Aidé sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ah, les années 80. Et le son, ce fameux son de synthétiseur. Johnny en live. Envoie-moi la musique. Et pour terminer cette soirée, Johnny de A à Z avec l'album de la semaine 100%, on finit avec un petit rock. La Terre Promise du Palais des Sports 1976, une version qui dure plus de 8 minutes. Maintenant, rock'n'roll. Et est-ce que vous voulez entendre du rock'n'roll? Et pour ça, je veux vous entendre taper dans vos mains. Qui aime le rock and roll et qui ne sont pas trop vieux et qui n'ont pas peur de s'amuser. je ne sais pas marcher. Je vais une chanson mortelle et je ne fais rien qu'en passer. Si c'est moi là où on m'aime, ailleurs je suis un étranger. La terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. Ouais. Achève cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine 100% qui fête aujourd'hui le jeudi 13 septembre ses 19 ans. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir participé à cette émission et d'être présent comme tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao ciao. Toujours de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.